va rester dans le département des Ardennes, mais on va changer de conflit avec Anne-François, docteur en histoire depuis peu, que l'on félicite, et présidente par ailleurs de la Société d'histoire des Ardennes, donc vous avez vu peut-être dans le programme, rattachée à l'université de Caen, mais qui connaît bien et qui est bien connue du territoire dans lequel nous sommes. Je peux faire défiler ici. D'accord, merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais vous présenter ce qui constitue une petite partie de ma thèse. Alors, j'ai encore du mal à dire la thèse sur laquelle j'ai travaillé et plus je travaille, puisque effectivement j'ai soutenu il y a tout juste 3 semaines, donc c'est tout récent. Mon intervention s'intitule « Soldats indigènes et populations ardennaises pendant la drôle de guerre et l'occupation ». Le sous-titre est « De la cohabitation contrainte à la solidarité nécessaire ». Alors, c'est un long titre, j'ai longuement hésité, mais c'était un petit peu compliqué en un titre de vous expliquer en quoi ça consistait. Alors, pour débuter mon propos, je voudrais vous proposer cette photo. Une photo qui a été prise à Chémery-sur-Barre, ça se trouve donc dans les Ardennes, pendant l'été 1940, qui montre 2 soldats allemands avec un prisonnier originaire des colonies françaises et un habitant du village. Donc, une photo qui est surprenante évidemment à plus d'un titre. Je vais donc expliquer le contexte. Mais une scène qui finalement n'est pas si surprenante que ça quand on sait que près de 4000 soldats coloniaux, qu'on appelait les indigènes, hein, tout simplement parce qu'ils vivaient sous le régime de l'indigénat, donc en Afrique. Donc je disais que près de 4000 soldats coloniaux sont prisonniers dans notre département pendant toute la durée de l'occupation et ne sont pas envoyés en fait en Allemagne comme le sont les prisonniers originaires de métropole. Alors pour quelles raisons ces prisonniers sont dans notre département? Et puis surtout, puisque c'est ça le thème de ce colloque, quels sont les rapports entre l'occupant et les prisonniers, ces prisonniers coloniaux? Et puis bien sûr, quels sont aussi les rapports avec la population ardennaise? Est-ce qu'il y a des liens qui sont tissés? Je vais essayer donc de vous le montrer. Je vous présenterai, alors on est pris par le temps, mais je vous présenterai mes sources sur lesquelles je me suis appuyée au fur et à mesure de mon propos. Je vais essayer d'être à l'heure parce que j'ai une abondante iconographie à vous montrer qui notamment m'a été prêtée par Manuel Tégé de Cruz, qui est ici, qui est un administrateur de la Société d'Histoire que je préside. Et proviennent essentiellement de photos qui ont été prises par des soldats allemands, sauf évidemment les photos que je vous proposerai sur la drôle de guerre, bien évidemment. Donc je commence mon propos, ça se passe sous la drôle de guerre, donc de la drôle de guerre à la captivité. Voilà, donc nous sommes en septembre 1939, hein, la guerre vient d'être déclarée, mais comme vous le savez, donc les combats n'ont pas encore lieu, et des milliers de soldats français vont vivre au plus près de la population ardennaise, hein, il y a véritablement des dizaines de milliers de soldats qui vont passer tout l'hiver 1939-1940 dans les Ardennes. Ces soldats, ils sont logés directement chez l'occupant, ils occupent les fermes notamment pour y abriter leurs chevaux, leur matériel, et eux vivent dans les maisons, hein, avec les habitants. Alors, une cohabitation qui se fait plutôt bien, hein, c'est perçu par la population ardennaise comme, on va dire, une sorte de mal nécessaire. Ce qui va être plus difficile, notamment pour les agriculteurs ardennais, c'est de vivre les réquisitions de chevaux, hein, notamment, et ça, c'est quelque chose qui va être mal perçu. Ici, vous avez donc, par exemple, une photo qui a été prise pendant la drôle de guerre à Mouzon, si vous connaissez, devant la porte de Bourgogne, et qui montre bien que les soldats vivent au milieu de la population, hein, ils s'occupent, ils font des travaux, ici des travaux forestiers. Vous les avez ici, donc c'est une photo qui est prise pendant l'hiver 39-40 à Chrecourt, donc c'est vraiment, ça devient des paysages très familiers, les prisonniers, les soldats français sont au milieu de la population ardennaise. Donc il y a de nombreux rapports, hein, qui vont se créer, s'échanger. Ici, donc, des soldats aussi dans une ferme ardennaise, donc qui occupent des granges, hein, notamment pour les chevaux. Et puis, donc, on n'y pense pas forcément, mais il y a aussi de nombreux soldats originaires des colonies françaises qui sont aussi stationnés dans les Ardennes. Il y en a plusieurs dizaines de milliers. Alors, c'est difficile d'établir un chiffre exact, mais pour vous donner un petit exemple, dans le secteur qui est situé entre Chières et Meuse, on compte pas moins de 5 unités coloniales. Alors, division d'infanterie nord-africaine, régiment de Zouave, ici, par exemple, le 15e régiment de tirailleurs algériens. Alors, la spécificité de ces régiments, c'est comme vous le voyez ici, les soldats sont originaires des colonies, de nombreux maghrébins hein, notamment, et par contre dirigés par des officiers qui, eux, sont des officiers donc de métropole, hein, des officiers français. Les commandements n'est jamais laissé aux soldats coloniaux. Il y a tout juste parfois quelques sous-officiers qui sont de ces colonies, mais jamais plus. Donc, soldats coloniaux sont issus pour la plupart du Maghreb, mais aussi d'Afrique occidentale française. C'est ce qu'on appelle les fameux tirailleurs sénégalais, mais donc les tirailleurs sénégalais ne sont pas forcément issus du Sénégal, hein, bien sûr. Alors, à l'inverse des soldats français, par contre, les soldats coloniaux sont plus isolés de la population ardennaise, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas, eux, cantonnés chez l'habitant. On va leur créer des espaces, on va dire, spécifiques pour eux. Et vous avez ici une photo, par exemple, du cantonnement des troupes coloniales à Carignan, au lieu dit la Tréfilerie. Donc, ils logent sous des tentes hein, et non pas, sont pas censés avoir des rapports directs avec la population ardennaise, même si ça ne leur est pas interdit, hein, mais en tout cas, on ne les fait pas loger directement. Ces soldats, les Ardennais vont prendre l'habitude aussi de les voir, hein, de les côtoyer tout de même. Ici, vous avez une photo donc, de ces soldats. Vous avez la coiffe caractéristique, par exemple, des régiments coloniaux. Ce sont des soldats qui sont en train de creuser des fortifications à Mouzon. Et les Ardennais vont aussi les côtoyer lors, je dirais, d'événements un peu plus festifs. Ici, c'est une photo qui est prise à Carignan. Donc, on voit un régiment de troupes, une troupe coloniale qui défile pendant la drôle de guerre. Et c'est l'occasion pour les habitants de les côtoyer, de les voir. Vous avez donc ici une photo prise le même jour. Donc, on a bien sûr des élus, des officiers, des personnes officielles, les sapeurs-pompiers derrière et toute la population qui est là aussi pour les fêter, les voir défiler. On a aussi des événements festifs. Hein. Les habitants ici de Margus sont conviés pour venir assister donc, à un concert donné par un régiment donc, qui est, donc, de troupes coloniales qui est stationné dans le village. Alors, on sait qu'il y a une proximité entre ce qu'on appelle les indigènes et les Ardennais, puisque j'ai retrouvé des témoignages. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il en existe. On sait qu'il y a aussi des liens beaucoup plus profonds qui vont se créer. Alors, des rapports amoureux, ça, j'ai pas trouvé description, mais en tout cas, par exemple, ici, j'ai trouvé les mémoires intéressantes de l'institutrice de Chémery, qui s'appelait Madame Leroy. Ce qui est intéressant, c'est que elle a déposé ses mémoires aux archives départementales en 1947, donc peu de temps après finalement les événements. Alors voici une mention, hein, par exemple, qui témoigne de relations privilégiées. Elle dit « Mon fils Mohamed est kabyle, il rentre un jour de Ramadan et me demande du lait, je n'en ai pas, j'offre du café ou du cidre dont il remplit son bidon, puis il revient, me demande une cuvette pour laver son linge, donc elle décrit ce qui se passe entre eux, il suspend sa lessive sur le fil et la pluie tombe. Je rentre le linge, le sèche au feu. Mohamed, quand il me quitte, me dit « Tu es ma mère ». Voilà. Dans toutes ses mémoires, on a donc des mentions en fait de ce fameux Mohamed et des échanges qu'ils peuvent avoir ensemble. J'en arrive évidemment donc en mai 1940. Alors ça, c'est un des épisodes, je dirais, assez oubliés en histoire, on n'en parle pas trop, mais pendant les combats de mai 1940, les troupes coloniales vont essuyer de très lourdes pertes. Alors, dans les Ardennes, on connaît le fameux épisode des Spahis de la Horgne, hein, qui ont résisté aux chars allemands. Il y a des épisodes moins connus et pour autant peut-être beaucoup plus admirable, en tout cas beaucoup plus important encore. Par exemple, ce qui s'est passé donc à Monternay, hein, notamment, Monsieur Parent qui est ici nous avait fait donc une description, on avait fait une sortie avec la Société d'Histoire des Ardennes il y a 2 ans. Il nous avait décrit la bataille, donc où on avait 10 000 Nord-Africains, hein, qui ont combattu à Monternay. Et vous avez une plaque aujourd'hui commémorative sur le pont donc à Monternay pour rappeler cet épisode héroïque. Alors, comment ces troupes coloniales sont-elles perçues par les Allemands qui arrivent dans les Ardennes? Un ouvrage est intéressant, alors j'en profite pour faire la publicité. Donc, Manuel Tejedo a traduit donc cet ouvrage et qui est disponible aujourd'hui, depuis 1 an, je crois. Donc, c'est l'ouvrage qui s'appelle Die Grüne Hölle von Innor, c'est-à-dire l'enfer vert d'Innor. C'est un ouvrage qui est paru en 1941 à Berlin et qui décrit en fait les combats qui ont été essuyés par une troupe allemande vis-à-vis d'un régiment de tirailleurs algériens. Et c'est tout un ouvrage qui est tout à fait emblématique, qui montre tout à fait la manière dont ces soldats coloniaux sont perçus en Allemagne. En fait, on les montre ici, donc attachés dans les arbres, c'est-à-dire combattant de manière sournoise, hein, tout simplement. Et puis, par exemple, donc, je ne sais pas si vous voyez bien là où vous êtes, mais c'est écrit en allemand, toujours les Algériens étaient devant, c'est-à-dire les Français sont un peu des couards, hein, ils n'osent pas avancer, et en revanche, les Algériens, ils combattent très sauvagement et ils ont peur de rien. Et c'est vrai que les soldats allemands ont même très peur de ces soldats coloniaux parce qu'ils sont réputés mutiler les cadavres, être très sauvages et ne pas avoir du tout de respect en fait des règles de la guerre. Donc voilà la manière dont ils sont perçus. Alors c'est vrai qu'il y a une relation particulière entre l'Allemagne à l'époque et que le régime nazi nomme la race noire pour 2 raisons essentielles, hein, parce que les troupes coloniales ont laissé un terrible souvenir en Allemagne, parce qu'ils ont occupé la Rhénanie de 1919 jusqu'à 1930. Donc le premier sentiment qui domine dans les troupes allemandes, c'est vraiment la haine, hein, l'envie de revanche et puis le mépris, hein, de ces troupes. Et puis n'oublions pas qu'en 1935, les lois de Nuremberg, dont on en parle souvent par rapport aux lois raciales, donc envers les Juifs, mais concerne également les Noirs, hein, les Africains. Hitler parle de, je cite, hein, de collusion, hein, entre les Noirs et les Juifs. Il va priver les Afro-Allemands de la citoyenneté allemande, les mariages mixtes vont être interdits, le jazz va être interdit aussi en Allemagne. Ça peut vous donner une idée un petit peu de l'approche que vont avoir les troupes allemandes lorsqu'ils arrivent dans les Ardennes. Alors, j'ai de nombreuses photos des soldats coloniaux qui vont être prisonniers, je vais vous en montrer quelques-unes. Il y a énormément en fait, de photos sur les arrestations de prisonniers coloniaux, tout simplement parce que ça reflète l'intérêt des soldats allemands pour ces soldats, la surprise, la méfiance. Donc il y a beaucoup de photos, je vous en montre juste quelques-unes. Ici on a une photo prise sur le vif, prise par un soldat allemand, donc de soldats coloniaux arrêtés dans les bois de Villemontry, hein, près de Mouzon. Et vous avez donc 3 photos qui se suivent. Vous voyez bien ici qu'on a les officiers français de métropole qui sont en tête de la colonne avec les prisonniers noirs donc, qui sont derrière. Une photo, malheureusement, on ne peut pas savoir le lieu, mais c'était pris dans les Ardennes. Les prisonniers noirs, en fait, vont faire l'objet de mauvais traitements. Joanne Chapoutot estime qu'il y a eu 3 000 prisonniers coloniaux qui ont été massacrés, hein, qui ont été tués sans autre forme de procès en mai 1940. Donc, vous avez cette photo et vous avez celle-ci qui continue. Il y a donc cette série de 2. Et vous avez donc ce prisonnier qui est sous les quolibets, hein, des soldats allemands. On a aussi, donc, je le disais, de nombreux soldats originaires du Maghreb, des Nord-Africains qui vont être moins dépréciés en fait par les Allemands. Hitler, pareil, c'est très peu connu, mais pense que les Arabes pourraient être des alliés contre les Juifs. Et il va d'ailleurs créer une légion arabe intégrée à la Wehrmacht qui va combattre en Afrique. Alors, que faire donc de ces nombreux prisonniers ? Donc j'en arrive à ce qui va se passer sous l'occupation que j'ai intitulé « La vie dans les lagers ». Donc je vous explique ce qui se passe. On se retrouve en juin 1940 avec à peu près 70 000 soldats coloniaux qui vont être prisonniers en France. Dans un premier temps, on va les enfermer dans des camps provisoires. Vous avez ici une photo intéressante, même si elle est, on ne distingue pas vraiment, mais il est écrit donc en allemand que c'était un camp de prisonniers provisoires qui se trouverait visiblement entre Sedan et Arlon. Donc là, on a visiblement une photo qui est prise d'un train. Et voilà ce qui se passe en fait. Donc les prisonniers français coloniaux sont dans des types de baraquements hein, comme ceci. Et on va constituer une vingtaine d'unités en France qu'on appelle les Frontstalag. Donc, je vous montre la localisation. Alors, le Frontstalag, ce n'est pas véritablement un camp. C'est, on va dire, une unité à laquelle il y a des dizaines de camps qui peuvent être attachés. Je vais m'expliquer. Donc, il y a à peu près 1,8 million de prisonniers en France. Alors, ça va surprendre les Allemands. Ils vont pas vraiment savoir dans le premier temps quoi faire de ces prisonniers parce que c'était tellement rapide qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de prisonniers et aussi rapidement. Donc, une vingtaine de Frontstalag à créer, et voilà ce qui va se passer. On va transférer donc les prisonniers en Allemagne dans 75 Stalag pour les hommes de troupes et au Flag donc pour les officiers. Les coloniaux, il y en a quelques milliers qui vont être transférés en Allemagne, et très vite, on va arrêter leur transfert en Allemagne, tout ça pour plusieurs raisons. Tous ceux qui sont partis en Allemagne, on va finalement les refaire revenir en France, et ils vont être détenus avec ceux qui étaient restés en France, donc je vous disais à peu près 70 000 personnes, et qui vont être concentrés, on va les rassembler en seulement 8 Frontstalag en 1942. Alors pourquoi est-ce que les Allemands retransfèrent les coloniaux en France? Pour plusieurs raisons essentielles. En fait, on a peur qu'ils s'évadent, tout simplement. On a peur des maladies tropicales. Alors ça, c'est une typique du régime nazi. Hein. Les soldats africains seraient censés véhiculer des maladies tout à fait dangereuse pour les Allemands. On a le mauvais souvenir, bien sûr, de l'occupation de la Rhénanie. Les Allemands ne sont pas prêts à recevoir ces gens chez eux. Bien évidemment, selon le régime nazi, on a peur qu'ils souillent le sol à rien. Et puis, il y a autre chose, une raison beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus économique, c'est la volonté que les autorités françaises les entretiennent, hein, tout simplement. Donc, on va essayer de faire que Vichy, en fait, s'occupe sur le sol de France des soldats coloniaux. À Charleville, donc dans les Ardennes, il y a une unité de Frontstalag qu'on appelle le Frontstalag 204, qui est constituée d'une trentaine de lagueurs dans le département. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lagueurs ? Ces lagueurs, ce sont rarement Alors, il y a des camps avec des baraquements et ceinturés de barbelés. Il y en a donc constitués, créés ex nihilo, je dirais. Mais c'est pas l'essentiel. On va en fait les cantonner dans des fermes, dans les maisons abandonnées par les occupants. Ça peut être aussi la mairie, l'école, une caserne militaire ou encore le château. Par exemple, le château de Buzancy va être un Frontstalag dans lequel dans lequel on enferme les prisonniers nord-africains. Rapidement, je vous mets ici la localisation de ces lagueurs, si certaines communes vous disent quelque chose. Alors, sont concernés par ce statut de prisonnier dans les Ardennes. Donc, je l'ai dit, à peu près, un peu plus de 4 800 prisonniers nord-africains et 5 000 soldats français aussi qui vont rester avec eux, originaires de la France entière. Ici, vous avez une photo qui vous montre justement un prisonnier français qui travaille donc dans la commune de Mouzon. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces prisonniers, en fait, qui restent dans les Ardennes? On va les faire travailler, et c'est ça le sujet essentiel de ma thèse. J'ai travaillé sur l'Ausland, qui est une entreprise agricole allemande. C'est une entreprise qui va venir, en fait, confisquer, hein, spolier les terres du nord-est de la France, qui devaient être, sur le long terme, rattachées au Reich. Et les plus grandes confiscations se trouvent dans les Ardennes, puisque sur 170 000 hectares confisqués en France, 110 000 le sont dans les Ardennes. Alors, bien sûr, les Allemands ont besoin d'une abondante main-d'œuvre. C'est pour ça qu'ils vont faire travailler les prisonniers nord-africains, les prisonniers français. Il n'y aura pas qu'eux. Hein. Donc, les Allemands intègrent 200 agriculteurs allemands qui vont gérer ces exploitations, ce qu'on appelle les chefs de culture. Donc, les prisonniers français, nord-africains, et puis il y aura aussi donc, des travailleurs juifs, les agriculteurs ardennais qu'on va obliger à travailler comme ouvriers agricoles sur leurs propres terres. Et puis, à partir de mars 1943, on va aussi déporter 20 000 Polonais. Et il y aura aussi des travailleurs volontaires, notamment les bonnes des chefs de culture. Je vous laisse imaginer, bien sûr, ce qui se passera au moment de l'épuration. Voici donc une photo qui récapitule un petit peu ce qui se passe. Vous avez le chef de culture donc qui est à droite donc avec son chapeau. Alors ce ne sont pas des militaires hein, donc il n'a pas un uniforme. Vous voyez des prisonniers nord-africains, des prisonniers français aussi qui sont donc sur cette photo. Donc, il y a deux traitements différents entre les prisonniers coloniaux et les prisonniers français. Donc, les lagers, donc des endroits clos, hein, fermés, ce sont pour les prisonniers coloniaux. Et les lagers, puis ça sera des maisons inoccupées pour les prisonniers français qui, à partir d'avril 41, vont être appelés des prisonniers libres. Voilà, ils ont le droit de vivre librement dans les villages, évidemment pas le droit de s'évader, mais contrairement aux prisonniers africains, ils ont des rapports avec la population française. Les prisonniers nord-africains, alors il y a en fait des soldats africains jusque à peu près août 1942. Après, on n'a plus recensé que des soldats originaires du Maghreb, des Nord-Africains, tout simplement parce que, encore une fois, on ne voulait plus de ce qu'on appelait les nègres, hein, on ne voulait plus de noirs dans les Ardennes pour travailler dans l'agriculture. Donc, on a gardé que les Nord-Africains. Alors, comme vous voyez, le nombre va baisser. Pourquoi est-ce qu'il y a une baisse des effectifs ? Bah, parce que, en fait, ces prisonniers nord-africains sont tellement mal traités qu'il va y avoir de nombreux cas de maladies, notamment à Charleville, pendant l'été 42, on recense 12% de cas de tuberculose. Donc 12% des prisonniers sont atteints de tuberculose, ce qui est absolument effroyable. Une centaine, en décembre 42, se retrouve à l'hôpital de Charleville, hein, par exemple. Il y a de nombreuses évasions, et puis bien sûr, il y a des décès, puisque je vais l'expliquer, sont très mal traités. Vous avez ici, par exemple, ce qu'on peut retrouver aux archives départementales des Ardennes. C'est une plaque d'un prisonnier qui s'appelle Mohamed, qui s'évade du camp de Tourteron, du lager de Tourteron, et qui va être retrouvé noyé dans le canal des Ardennes. De nombreuses évasions. Une discipline très stricte, selon la Croix-Rouge, qui va faire à partir de 1942 la tournée de ces camps pour aider les prisonniers, ils sont menés sévèrement. Ils sont soigneusement tenus à l'écart de la population, mais je vais l'expliquer, il y a quand même des rapports qui existent. Et l'accès aux camps est strictement interdit aux civils. Ils sont surveillés par les gardiens, ne peuvent se déplacer que par colonne. Évidemment, s'il y en a un qui s'enfuit, c'est plus facile de le rattraper. Et on a des punitions qui sont fréquentes. Alors, je le sais parce qu'il existe en fait des rapports des chefs de camp allemands qui gardent ces prisonniers nord-africains, qui font des rapports régulièrement sur ce qui s'y passe. Et il y a une certaine violence dans les camps, d'ailleurs, de nombreuses bagarres entre prisonniers et des tentatives d'évasion. Je vous montre une photo ici de prisonniers coloniaux, donc à Mouzon, pour vous montrer qu'on les emmène travailler uniquement en colonne pour éviter qu'ils ne s'évadent. Alors rapidement, j'ai travaillé sur la perception qu'a l'occupant en fait de ces prisonniers coloniaux. Donc le directeur de l'entreprise Ausland les appelle dans ses rapports à chaque fois les négers, hein, c'est-à-dire les nègres, estime qu'ils ne peuvent fournir qu'un quart de la capacité de travail par rapport aux autres, et il attribue des coefficients de travail à ces travailleurs. Vous voyez qu'en fait, les prisonniers nord-africains, ou enfin africains à l'époque, ont un coefficient de travail qui est le même que ceux des enfants. Alors que les Juifs ont un coefficient de 0,5 et les hommes, donc les agriculteurs français, ont un coefficient de 1, ce qui vous montre la manière dont ils sont perçus. La presse allemande qui fait des articles sur l'Ausland les appelle aussi Neger, hein, c'est le même terme qui est utilisé, estime que leur rendement n'atteint pas le tiers de la normale et qu'il est difficile, voilà, c'est des choses que j'ai pu relever dans divers articles, il est difficile aux nègres de bien semer et fumer la terre, ils n'arrivent pas à avoir le tour de main, c'est ce genre d'appréciation qu'on peut trouver. En revanche, les commandants allemands des camps, qui vivent au plus près de ces hommes, ont, on va dire, une appréciation un petit peu mieux. Déjà, ils ne les appellent jamais les nègres, mais toujours les prisonniers de couleur. À chaque fois, c'est dans leur rapport. Et on trouve des choses beaucoup plus amélioratives, des choses sur ils travaillent sérieusement, ils sont de bonne volonté appliquée, on n'a pas à se plaindre, en fait, d'eux. Et aussi, plus disciplinés que les prisonniers blancs et plus volontaires. Au passage, je signale que les prisonniers français sont vus comme des alcooliques, hein, par les Allemands. Comment sont-ils traités ? En fait, l'Allemagne ne tient pas à leur donner de faire des frais en fait pour eux, et ils ne vont recevoir que le minimum vital de la part de l'Allemagne. Donc il va falloir avoir des gens qui leur apportent autre chose. Alors ils manquent de vêtements et de chaussures, la plupart vont rester avec leur tenue qu'ils portaient lors de leur capture jusqu'à la fin de la guerre. Ils n'ont plus de nouvelles de leur famille, ça c'est quelque chose qui revient dans les rapports de la Croix-Rouge. Tous liens familiaux ont été rompus depuis mai 1940 entre l'Afrique et ses soldats, donc ils sont très malheureux de ne plus avoir de lien avec leur famille. Et puis manque de distraction, en dehors du travail, ils sont comme ça désœuvrés, sans occupation, et la Croix-Rouge va essayer de leur trouver, de leur apporter un réconfort. Pour vous montrer juste la manière dont ils sont traités, je pourrais en parler énormément parce qu'on a beaucoup de rapports là-dessus de la Croix-Rouge, des préfets, des maires aussi ardennais. Le sous-préfet de Rethel alerte le préfet, par exemple, en janvier 1942 en disant « Les hommes ont les pieds nus dans les sandales trouées, il est inhumain de les maintenir dans cet état. La presque totalité des prisonniers est dépourvue de vêtements chauds et de linge de corps. Ils manquent totalement de chaussettes, leurs vêtements sont troués, la plupart n'ont pas de chaussures. » Voilà, c'est le genre de description qu'on peut avoir. Alors, comment vont-ils subsister, les prisonniers nord-africains, grâce à deux choses, deux éléments, la population ardennaise et la Croix-Rouge. Alors la population ardennaise n'est pas censée avoir des rapports avec eux, toutefois il en existe. Les Allemands en fait vont laisser la population à de nombreuses reprises approcher et notamment il va y avoir des intermédiaires, ce sont les infirmiers. Alors les infirmiers dans les camps, ce sont des indigènes aussi, des nord-africains, qui vont avoir le droit de sortir des camps et de faire le lien entre la population ardennaise et le reste des prisonniers. Par exemple, à Carignan, on sait que la femme du docteur va leur apporter une aide ponctuelle. À Main-Lucky, la représentante de la Croix-Rouge note que la population de la commune les a gâtés, je cite, pour la fête du Ramadan. À Tourteron, le chef allemand du Lager note le 30 septembre 1941 qu'il a laissé les agriculteurs leur donner du pain, des pommes de terre, du lait et du maïs. À Mâton, c'est l'institutrice qui n'hésite pas à acheter des denrées sur ses deniers personnels et elle se démène auprès du maire pour leur avoir des tickets de rationnement. Elle écrit régulièrement à la Croix-Rouge pour les informer du désastre sanitaire et les inciter à venir. Alors, comment je sais ce qui se passe dans les camps? Parce qu'il y a une source aux archives départementales des Ardennes qui est absolument cruciale. C'est les rapports que va faire la chef de la Croix-Rouge de Sedan, de toutes les tournées qu'elle fait dans tous ces camps des Ardennes, où à chaque fois, elle décrit l'état sanitaire, la nourriture, l'état moral des prisonniers, comment est-ce qu'ils sont logés, de quoi ils manquent, qu'est-ce qu'il faudrait leur apporter. Donc ça, c'est une source vraiment très importante pour savoir ce qui se passe et pour comprendre aussi les rapports qui existent entre les prisonniers et les Ardennais. Je vous montre aussi une lettre que j'ai retrouvée aux archives départementales. C'est donc cette institutrice de Mâton. Voici ce qui est écrit rapidement. J'ai promis ce matin aux prisonniers indigènes de vous écrire pour vous demander à nouveau de leur avoir du riz ou des légumes secs. Je tiens ma promesse, mais je sais bien que vous rencontrez des difficultés dans vos démarches. Les pauvres garçons crient de nouveau famine. Ils n'ont plus que 100 grammes de pain par jour. C'est peu et plus de riz. Donc, elle écrit à la Croix-Rouge pour leur demander d'apporter à manger. On sait aussi qu'ils reçoivent une aide de la population locale en cas d'évasion. Marianne Leroy, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'institutrice de Chémery, raconte qu'elle en a caché plusieurs chez elle. En octobre 1943, 50 prisonniers nord-africains vont s'évader et se cachent dans les bois de Nouzonville. Et on sait qu'ils sont ravitaillés pendant de très nombreux mois par la population locale. L'aide apportée par la Croix-Rouge rapidement, c'est donc toutes les choses nécessaires, la nourriture, des produits de toilette, mais aussi des choses importantes par rapport à la pratique de la religion, qui est une aide dans ces lagers, notamment des Corans par exemple, et qui va essayer de renouer le lien avec les familles restées en Afrique. À partir de mars 1943, ces prisonniers nord-africains vont être remplacés par les 20 000 déportés polonais dont je vous parlais tout à l'heure, et on va les retirer de l'agriculture pour les occuper dans les usines du département et à des travaux divers comme de voirie, par exemple, ici la photo que vous avez. J'en arrive à ma dernière partie et j'ai terminé. Oui, je vais conclure. La libération et après, que se passe-t-il ? Je vais être très rapide. En fait, les prisonniers français et coloniaux vont encore une fois avoir, enfin les anciens prisonniers français et coloniaux vont encore avoir des traitements très différents. En fait, Il va y avoir une inégale attribution de la carte du combattant. Seuls les prisonniers qui travaillaient pour l'Osland et qui étaient ardennais ont pu obtenir en fait la carte d'ancien combattant. Les autres originaires de métropole n'ont pas eu le droit, sauf s'ils ont essayé de s'évader en fait. Et pour les Nord-Africains, c'est beaucoup plus difficile. On va leur attribuer la carte d'ancien combattant seulement en 1959, lors de la vague de décolonisation. Il va y avoir ce qu'on appelle la cristallisation des pensions, c'est-à-dire que on va leur payer leur pension à partir on va continuer à leur payer leur pension sur le montant qu'ils touchaient en 1959. Ce qui veut dire, je vous montre ce graphique et j'en aurai terminé, en 2006, voilà ce que touchait un ancien combattant français. En haut, donc 690 euros, c'est le montant de la pension d'invalidité si ce prisonnier donc a été mutilé ou blessé. En dessous, le montant annuel de la retraite de combattant, donc celle que touchait un Français, et vous avez en dessous ce que touchaient les coloniaux. Donc c'est ça la cristallisation des pensions, c'est le fait qu'on n'a pas augmenté leur pension on n'a pas réévalué leur pension comme les Français en fait. Donc ce qui veut dire qu'en 2006, par exemple, un ancien combattant français touchait 430 euros, tandis que par exemple, un Algérien en touchait 57. Ça a été revu depuis, je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais en 2006, le film Indigène va sortir et va mettre en exergue cette différence et ces inégalités. Et Dominique de Villepin va annoncer la décristallisation des pensions. Donc tous les prisonniers nord-africains qui ont été dans les Ardennes vont enfin toucher à partir de cette date-là. Enfin, malheureusement, les personnes qui sont toujours vivantes à l'époque, vont se mettre à toucher la même pension que les prisonniers français. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que c'est dans le temps.